À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le corps des attachés militaires en Corée a visité le 21 le haut lieu de la guerre de libération de la patrie.